je m'y colle gentiment. Si de moun prend de moun pour des imbéciles, et comme il est pour allemand galère, si à moi où ça ou l'été, asté comme il tire la poussière, pareil mon valet, ouais, ils aiment à tuer. Et tout de moun il veut vivre tranquille, ils sont comme rase, sans la maillasse. Mais n'aura toujours un gâté pour foutre la merde, pour faire comme rase. Aimez-vous les uns les autres, la panne nous tout compris le message. Le temps, le blanc, les qui et les noirs, et mes trous, ça vraiment dommage. Pourquoi? À cause de mon yam la dit la fait. À cause de mon yam critiqué. Raconte une affaire, ça la jamais vu. Ou fait comme si ça t'y connaît. Il suffit d'un petit affaire. Ah, pour faire bête la guerre. C'est tous histoires mentaires. Mettre la colère donne bien mon frère. N'a bon pé finement les rire. Et Astéa il regrette. Le temps ici la poupe en te faire. Pas la balle pour faire la fête. Fais attention mon ami. Et dans la vie sois pas trop gentil. Car on peut être surpris par la jalousie d'une famille. N'a bon pé il sème le mal. Et il veut récolte le bien. Moi m'y trouve les pas normal. M'y trouve les pas trop sain. Pourquoi? À cause de mon yam la dit la fait. À cause de mon yam critiqué. Raconte une affaire, ça la jamais vu. Ou fait comme si ça t'y connaît. Raconte une affaire, ça la jamais vu. Ou fait comme si ça t'y connaît.